qui voudra ma perte se rapprochera de la porte. Impossible d'acheter ma fierté avant que je ne sois mort. Si tu veux me faire tomber, alors prévois plusieurs plans B. Pas là pour faire flamber, foutre l'ambiance. Non, je l'ai déjà plombé. Je suis pas plombier, mais j'ai une fil et un tuyau. Tu veux ma tête? Ne parle plus derrière mon dos. Tu veux me barrer la route? Je vais donner un coup de pouce. Et je compte pas faire demi-tour. Non, je suis pas le petit poucet. Je suis pas trop bricoleur. Qui t'a dit que je vais percer? Tu me prends pour un suceur, mais c'est tes lèvres qui sont gercées. J'ai cherché. Et au final j'ai prouvé, tu veux percer quelque part, faudra d'abord te prostituer. J'ai pas du rap pour être célèbre, mais juste la passion d'écrire. Dis aux jaloux que j'arrêterai, qu'ils arrêtent de m'écrire. Me demande pas comment ça va, si dans le fond tu t'en bats avec l'hypocrisie comme étiquette. Je ne pourrais pas faire avec. Souviens quand ça va pas, non, c'est pas pour moi. Faire la fête pour faire comme toi, non, c'est pas pour moi. Et c'est bien si ça l'est pas, c'est pas pour moi. J'suis désolé, mais tout ça frère, c'est pas pour moi. Être hypocrite avec les gens, non, c'est pas pour moi. Faire du son pour faire de l'argent, non, c'est pas pour moi. Faire le fort ou faire semblant, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Mais dis-moi toi, mais c'est quoi le problème? J'écoute du rap et alors, c'est ça qui te gêne? Je rappe depuis le collège, avec ou sans colère, avec ou sans collègue. J'ai boycotté le solfège, j'aimais pas trop faire des gammes. Faisais du foot avec les gars, petit déjà je craignais des gains. Je voulais vraiment faire des dégâts et pourtant je ferai pas de mal à une mouche. Mes rêves sont tombés à l'eau pendant que je chantais sous la douche. Impossible d'être décisif quand t'es sur le banc de touche. J'ai décidé d'être offensif, c'est pour ça que j'ouvre ma bouche. Et j'aime pas être formaté, frère, je suis pas un disque dur. Je veux pas ressembler à un clone. Moi je préfère rester pour l'hypocrisie. C'est la doctrine du faux cul. Viens pas me dire de quoi tu te mêles, je te dirai de quoi je m'occupe. Ma motivation du jour, c'est pas de faire des punchlines, mais de coffrer pour une baraque sous les sunshine. Souviens quand ça va pas, non, c'est pas pour moi. Faire la fête pour faire comme toi, non, c'est pas pour moi. Et c'est bien si ça l'est pas, c'est pas pour moi. J'suis désolé, mais tout ça frère, c'est pas pour moi. Être hypocrite avec les gens, non, c'est pas pour moi. Faire du son pour faire de l'argent, non, c'est pas pour moi. Faire le fort ou faire semblant, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Faire du rap ultra vulgaire, ça c'est pas pour moi. Mettre mon nez dans tes affaires, ça c'est pas pour moi. Frimer, à quoi ça sert? Ça je ne sais pas, rester droit et être sincère, c'est comme ça que je me vois. Prendre la grosse tête, ça c'est pas pour moi. Tout miser sur le paraître, ça c'est pas pour moi. Demain il faut que j'arrête, ça c'est ce qu'on verra. Rester moi-même toujours honnête, c'est comme ça que je me vois. Souviens quand ça va pas, non, c'est pas pour moi. Faire la fête pour faire comme toi, non, c'est pas pour moi. Et c'est bien si ça l'est pas, c'est pas pour moi. J'suis désolé, mais tout ça frère, c'est pas pour moi. Être hypocrite avec les gens, non, c'est pas pour moi. Faire du son pour faire de l'argent, non, c'est pas pour moi. Faire le fort ou faire semblant, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi.